Aujourd'hui, leur affaire sensible, un groupe social, des femmes et des hommes qui n'attendaient plus rien du monde du travail, touchaient parfois à peine les minima sociaux, mais qui un jour ont reçu un courrier leur disant « Nous allons mener une expérimentation zéro chômeur sur votre territoire, souhaitez-vous participer à ce projet ?» Pour tous ces gens dont les candidatures restent lettres mortes depuis des années, ce courrier paraît incongru. Comment ça, zéro chômeur, l'idée semble folle. Mais quand ils apprennent le détail de l'opération, c'est passeport pour l'utopie. Ils signeraient un contrat à durée indéterminée, toucheraient un SMIC mensuel contre une activité qu'il leur faudrait inventer. Autrement dit, si le salaire de ces chômeurs longue durée était à la fois constitué du fruit de leur production, comme dans toute entreprise, mais aussi des allocations habituellement versées aux chômeurs. Le SMIC plutôt que le RSA. C'est l'histoire de cette idée que nous allons vous raconter aujourd'hui, en nous appuyant notamment sur le documentaire « Nouvelle cordée » de Marie-Monique Robin, diffusé par M6 et produit par MR2 Films. Notre invité aujourd'hui, Patrick Valentin, membre d'Atelier Carmonde et initiateur du projet. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Marjolaine Corr, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. C'est loin, parce que ça fait 2 ans que je travaille, mais c'est un truc qui ne s'oubliera jamais. Ça va rester aggravé dans ma vie. C'est, voilà, jusqu'à temps que je disparaîtrai, ça restera là-dedans. Les fins de mois, les enfants. Vous savez qu'on dit à Noël, il y a des anniversaires, des cadeaux que vous ne faites pas aux enfants. Ouais, je vous en parle, mais ça me fait mal. Honnêtement, ça me fait très très mal. Vous êtes un bon rien. Moi, c'est comme ça que vous voyez. Vous êtes t'es qu'une merde, t'es qu'un bon rien. Pourtant, c'est pas vrai. Mais on met tout sur notre dos et voilà quoi. Je veux que personne vive ce que j'ai vécu pendant 5 ans. Combien sont-ils comme cet homme qui a tant senti peser sur lui les regards, tant cherché vainement une place quelque part pour retrouver un salaire, un peu de décence, une estime de soi? En France, près de 3% de la population active est au chômage longue durée. 855 000 hommes et femmes cherchent du travail depuis au moins 1 an et parmi eux, la moitié cherche même depuis 2 ans, voire plus. Ils vivent à la campagne, en ville ou dans de petites agglomérations. Ils ont souvent connu l'époque faste des grandes industries, les ont vus disparaître de leur territoire et leur territoire devenir une belle endormie. Fini l'époque des pneus Kléber, des fabriques de cristal, des sous-traitants automobiles ou de la chaudronnerie. Pour d'autres, c'est un accident de parcours qui a tout chamboulé. Une blessure, la mort ou la maladie d'un proche. Trouver l'énergie de rebondir, de rester motivé malgré le peu d'offres d'emploi, malgré les candidatures sans réponse, tel est le défi, harassant, déprimant, en un mot commençant, violent. Et puis, peu à peu, l'envie d'en rester là, le sentiment de n'être plus attendu nulle part, devenir un paria, être moins invité, ça fout le bourdon. Et puis, soi-même, a-t-on encore la force de parler aux autres ? C'est en constatant ce décrochage, cette impossibilité de trouver la ressource en soi pour rebondir, que Patrick Valentin se prend à rêver. Ce militant d'Atelier Carmonde commence sa carrière au sein du groupe des industries métallurgiques, le syndicat patronal de la métallurgie de France. Être à un tel poste, en charge de la formation dans les années 70, à l'heure où la première crise pétrolière frappe le pays, c'est prendre en pleine face la réalité. Une mutation profonde est en cours. Et Patrick Valentin le pressent. Beaucoup seront laissés pour compte. Les 30 glorieuses s'achèvent, bonjour les 30 piteuses. Les rangs des chômeurs gonflent. Patrick veut trouver des solutions en explorant l'aide par le travail. Au fil de la décennie suivante, il explore toutes les formes, créant des ateliers protégés ou des chantiers d'insertion. Partout, il parvient à trouver des activités complémentaires, du service, de la sous-traitance. Il comble des manques pour la population et les entreprises locales. Et partout, il constate que le travail n'est pas seulement un outil de production ou de fabrication de richesses. Il est aussi pour beaucoup un précieux outil d'aide sociale. Mais ce type de structure qui s'appuie sur des dispositifs d'aide de l'État peut être vu comme des emplois de second rang par certains. Dans un entretien accordé sur France Culture en 1993, Patrick Valentin réfute fermement cette vision. je dirais plus aujourd'hui des emplois subventionnés, car encore une fois, je crois qu'il est important, pour bien faire comprendre les idées qui m'animent, de critiquer ce mot de subventionner. Car encore une fois, si on emploie ce mot, immédiatement, l'idée qui vient à l'esprit est une idée dévalorisante de minorité. C'est l'entreprise incapable de se débrouiller par elle-même, alors que ce mot ne tient pas compte de l'ampleur de notre succès économique. Tenons compte de cet extraordinaire succès de l'économie. Bon, tenons compte aussi du fait que le ponctionnement aujourd'hui des systèmes de solidarité que représentent l'État ou les collectivités est considérable, et que donc ce qu'on risque d'appeler sous une forme méprisante subventionnement est en fait tout simplement une nouvelle façon de vivre l'économie moderne. Je gère une entreprise de 600 personnes, mais imaginez 5 minutes que je ferme. Mais ce serait stupidement détériorant pour l'économie locale. Donc, je ne suis pas subventionné, je fais payer un service social. Après avoir aidé les personnes jugées inaptes à un poste de travail classique, le rêve de Patrick Valentin est d'étendre cette offre à tous les salariés qui ont décroché, pour une raison ou pour une autre. Car pour eux, il n'existe aucune alternative. Alors il rêve à voix haute en 1994 avec André Lénard, le maire de Seiches-sur-Loire, en Anjou. Ensemble, ils réunissent une soixantaine de chômeurs et imaginent pouvoir créer un nouveau type de structure, des entreprises qui se glisseraient dans les interstices laissés vacants sur des activités jugées pas assez rentables par les entreprises traditionnelles. Les salariés embauchés seraient en partie financés par les fonds publics. Mais pas n'importe lesquels, non. Les deux hommes ont estimé le coût d'un chômeur pour la société. Et ils en ont conclu qu'entre les aides qu'il perçoit, les soins supplémentaires, les plans de remise en selle, cela constitue des sommes qui, ainsi rassemblées, paieraient une partie de leur salaire, le reste provenant du chiffre d'affaires généré par l'entreprise. Et les voilà partis pour tester de nouvelles formules. Mais le projet tombe à l'eau lorsque le préfet siffle la fin de la partie. Aucun cadre légal n'existe en France à cette époque. Il est impossible de réaffecter des allocations comme Patrick Valentin et André Lénard le concevaient. Bref, chou blanc. Oui, mais les bases sont posées. En préparant ce projet, les deux hommes ont établi un diagnostic qui servira pour la suite. 1. Personne n'est inemployable. 2. Le travail ne manque pas. 3. L'argent non plus. Il faudra pourtant attendre près de 10 ans pour qu'enfin la loi évolue dans le sens voulu par les deux précurseurs. En 2003, une première modification permet aux collectivités locales de déroger au droit commun pour mener des expérimentations sociales. Convaincu de l'utilité du projet de Patrick Valentin, ATD Quart Monde rassemble ses forces pour faire avancer le projet. Quelques années plus tard, en 2010, Emmaüs, le Secours catholique et le Pacte civique les rejoignent, donnant encore plus d'ampleur au projet. Ainsi, pas à pas, les militants parviennent à convaincre d'abord quelques députés. Parmi eux, Laurent Grand-Guillaume, élu socialiste de Côte d'Or. Ensemble, ils vont élaborer une proposition de loi. Et on est déjà en 2015, lorsque ATD Quart Monde accompagne les premières zones pilotes destinées à concrétiser ce qui deviendra les territoires zéro chômeur de longue durée. À Mauléon, dans les Deux-Sèvres, la reporter Marie-Monique Robin a déjà commencé à la suivre l'un des groupes précurseurs. Les premiers participants qui lui confient leur scepticisme lorsqu'ils ont reçu un bien étrange courrier. La première fois que j'ai entendu parler de l'expérimentation de territoire zéro chômeur, ça devait être en 2015, je crois. J'ai reçu un courrier très étrange, me disant que Mauléon allait lancer une expérimentation pour éradiquer le chômage de longue durée. J'étais franchement très sceptique. Moi, j'ai trouvé ça utopique à un point. Je me dis, ben, ça va, c'est pas possible. J'ai vu Territoire Zéro Chômeur, je me suis dit, les gars, bonne chance. Soyez réaliste, demandez l'impossible. Et un groupe se constitue. Autour d'ATD Quart Monde, des élus, des entrepreneurs locaux et les premiers chômeurs investis dans l'aventure se réunissent et imaginent les activités qui pourraient voir le jour. Le projet prend forme, peu à peu. Et fin 2015, ils organisent une journée d'action pour montrer à la population et au gouvernement, qui va bientôt se pencher sur un projet de loi, les travaux que pourraient concrètement mener ces nouvelles structures. 5 territoires ont déjà planché sur le projet. C'est le cas de Mauléon, dans les Deux-Sèvres. La commune a testé le dispositif en octobre dernier. Le temps d'une journée, des chômeurs se sont remis au travail. Tri sélectif, entretien d'espaces verts, autant d'emplois qui pourraient être créés si la loi est adoptée. Nous sommes dans une petite cité qui a beaucoup de patrimoine, qui nous coûte d'ailleurs très cher et qu'on ne peut pas entretenir. Et c'est une manière, si on avait une entreprise sociale à nos côtés aussi, sans doute qu'on leur confierait certains chantiers. Entre les différentes aides, chaque chômeur coûte aujourd'hui 15 000 euros par an à l'État. L'idée est donc de transférer cet argent pour leur financer un emploi. Financer des emplois et créer de l'activité au lieu de compenser l'inactivité des chômeurs avec des allocations, c'est donc le pari de ces élus et militants. Selon l'OCDE, un demandeur d'emploi coûte en vérité 25 000 euros par an, chiffre qui tient compte des allocations, mais aussi des frais d'accompagnement, de santé et surtout du manque à gagner fiscal dans les coûts indirects. Mises bout à bout, ces aides peuvent en effet financer une large part d'un salaire au SMIC. En 2016, enfin, un projet de loi est étudié à l'Assemblée. L'idée avait été lancée par l'association ATD Quart-Monde. Elle atterrit aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale. Pour lutter contre le chômage de longue durée, ce député propose de réaffecter les dépenses liées au chômage vers la création d'emplois. Avec le coût du chômage, on va financer des emplois durables en contrat à durée indéterminée pour des chômeurs de longue durée à qui on va proposer des emplois dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire et qui répondront à des besoins nouveaux auxquels on n'a pas répondu jusqu'à présent. Ce député, c'est donc Laurent Vanguillaume. Le 29 février 2016, il parvient à faire voter sa loi Territoire zéro chômeur longue durée à l'unanimité à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Un fonds d'expérimentation sera alimenté chaque année par le ministère du Travail à hauteur de 20 millions d'euros. Ces fonds financeront les emplois créés sur 10 territoires zéro chômeur longue durée. L'objectif est d'atteindre 2000 CDI rémunérés au SMIC d'ici à 2021. L'expérimentation est prévue, elle, pour durer 5 ans, le temps que les activités s'installent. Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Chemines muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce lavis noir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc. Gifler des marées, vaincus par l'argent, des monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je ne sers plus à rien, moi. Il n'y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi. Après les experts, je me tue à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire. qui devient fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien moi, plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger la cire rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, la cire rouge et mains d'or. Affaires sensibles sur France Inter. C'est donc parti pour la grande aventure. Enfin, 10 territoires sélectionnés vont pouvoir expérimenter le nouveau dispositif de retour à l'emploi. Que ce soit dans le 13e arrondissement de Paris, dans la Nièvre, à Villeurbanne, à Thiers ou à Mauléon, dans les Deux-Sèvres, partout, des femmes et des hommes s'activent pour recenser les chômeurs de longue durée, volontaires pour le projet. Au total, 1711 personnes privées d'emploi depuis plus d'un an se répertoriées. Sur le papier, le Paris semble toujours fou. A-t-on déjà vu une entreprise embaucher un candidat en contrat à durée indéterminée sans savoir de quoi sera fait son poste ? Le décret paraît en juillet 2016. Et déjà 4 des 10 territoires sont sur le pied de guerre, prêts à créer les premières EBE, les entreprises à but d'emploi. Avec deux missions, créer des emplois adaptés aux personnes qu'elle embauche et positionner ses activités de manière à ce qu'elles ne viennent jamais concurrencer les emplois existants sur le territoire. Pour bien rester dans les clous, il faut d'abord constituer un comité local pour l'emploi, une coordination qui réunit des élus des communes, des intercommunalités, des départements, des représentants de Pôle emploi, des entreprises, des associations environnantes, des habitants et des chômeurs. Joli millefeuille, mais qui n'est pas forcément une usine à gaz, non. L'idée est d'impliquer toutes les parties pour générer une dynamique, bien, mais aussi pour rassurer ceux qui craindraient de voir apparaître une concurrence déloyale pour leur activité. Ce travail de concertation mené en amont sert d'abord à identifier les compétences des chômeurs. Certains sont menuisiers, jardiniers, ex-comptables, secrétaires médicales, magasiniers, plombiers. D'autre part, les entreprises locales, mais aussi les communes et les associations, sont consultées pour dresser une liste de leurs besoins. L'idée est d'identifier ce qu'il faudrait sur le territoire pour faciliter leur activité. Une fois mise en face des compétences des uns et les besoins des autres, l'entreprise à but d'emploi est prête à être lancée. Il est temps de mettre le pied à l'étrier. 3 janvier 2017, la documentariste Marie-Monique Robin est toujours présente à Mauléon pour suivre les premiers pas de nouvelles recrues. Elles ont signé leur CDI et s'apprêtent à vivre leur premier jour d'embauche à l'ESIAM, entreprise à but d'emploi créée pour l'expérimentation. Anne, ancienne secrétaire médicale, fait partie des premiers embauchés. Je nous revois en haut de l'escalier de l'ESIAM, dans le hall. Bonjour. Ça y est, on est arrivé. Mais on fait quoi ? Les salles étaient vides, il n'y avait même pas de siège, pas de table. On n'avait rien à faire, mais on était là. Et c'était notre premier jour d'embauche. Oui, oh, il fait chaud, c'est bien. Moi, j'avais peur d'avoir froid, là. Oui, moi aussi. On est bon. Ouais, ça va. Ouais, c'est hier, j'en ai passé, mais là, maintenant, je suis... C'est parti. Énervé. Sébastien, je crois que t'as pas dormi. T'as dormi, Sébastien ? Ben non. Ouais, ça va, je suis pas toute seule, alors. Tu vas bien ? Oui, très bien. Tous mes vœux. Merci. Bonne année à tous. Tous mes vœux. Tous mes vœux. Ça commence bien ? Oui. Hein ? L'année commence bien. L'année commence bien. Oui. Et voilà, c'est parti pour Sébastien et les autres. Maintenant, il faut installer les bureaux, organiser les activités, puis les tableaux de service en fonction du temps de travail et des contraintes de chacun. Dans les entreprises à but d'emploi, un quart des salariés dispose d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Souvent, ce statut fait suite à un accident ou à une usure due à leur précédent métier qui les a justement projetés dans un chômage de longue durée. Selon les besoins locaux, les EBE développent le maraîchage, créent une épicerie de village, une conciergerie, du recyclage de palettes en mobilier, du recyclage de tissus en couches lavables, un service de taxi pour les seniors. Avec les nouvelles recrues qui à chaque fois débarquent avec leur lot de compétences, l'offre s'étoffe. À Mauléon, les IAM créent par exemple un atelier de recyclage de fenêtres récupérées sur les chantiers. Les employés désossent les fenêtres, renvoient le PVC à un fabricant local qui transforme la matière en granulés pour fabriquer de nouvelles fenêtres. Jusque-là, tous ces matériaux étaient enfouis en décharge. C'est donc une économie de bon sens, une économie circulaire dans toutes les acceptions du terme qui est créée au sein de ces entreprises à but d'emploi. Ce que confirme l'un de ses bénéficiaires, Marie-Monique Robin. On est en train de développer quelque chose qui ressemble, oui, à un nouveau modèle à la fois écologique et économique. En disant aussi, on ne peut pas laisser les gens derrière soi, c'est pas des déchets. Moi, je ne suis pas un déchet, je suis une valeur ajoutée au final. Même si je suis handicapé, je suis une valeur ajoutée, je ne suis pas un déchet. Et cette somme de valeur ajoutée génère un chiffre d'affaires qui grossit au fil des mois. Car c'est un financement bien spécifique que celui d'un salarié en entreprise à but d'emploi. L'expérimentation prévoit un apport de l'État à hauteur de 18 000 euros par salarié et par an. Ensuite, les collectivités, le mécénat et le ministère du Travail complètent à hauteur de 5 000 euros et l'entreprise doit dégager au moins 3 000 euros de chiffre d'affaires par salarié et par an pour compléter son SMIC. Mais l'apport d'argent public diminue au fur et à mesure que le chiffre d'affaires grandit, de manière à rester à l'équilibre, tout en faisant économiser à l'État ce qu'il aurait déboursé en temps normal pour indemniser un chômeur. À Moléon, où Marie-Monique Robin suit toujours de près l'expérience pour son documentaire Nouvelle Corbeille, le succès est au rendez-vous. Monsieur le maire, lors des vœux, nous a signifié qu'on est passé de 75 000 euros en 2017 et en fin 2018, on était à 200 000. Même si l'entreprise, faut pas se leurrer, elle est fragile, puisque financièrement, on est juste à la jonction, mais les objectifs ont été atteints et c'est vraiment, on peut que s'en féliciter. Oui, il y a de la demande et du travail pour tous ceux qui se présentent à l'ESIAM, comme dans les 9 autres EBE créés en France. Pour certains territoires, comme à Pipriac en Ille-et-Vilaine, l'EBE devient même le plus gros employeur de la commune. Alors, au fil des mois, ici comme ailleurs, les nouvelles recrues viennent grossir les rangs, les équipes grandissent et passent de 10, 20 salariés à 60, 70. Tous doivent s'adapter à l'évolution de l'entreprise. Moins familial qu'au départ, forcément, plus structuré. Ces aménagements se font parfois au forceps d'ailleurs. Il faut trouver des solutions pour que chacun trouve sa place. Et puis, la logique très horizontale de ces structures se cogne parfois un besoin d'encadrement de la part d'un public qui remet le pied à l'étrier après une coupure longue avec le monde du travail. Alors chacun invente sa formule et apprend en marchant. Des référents sont désignés pour chapeauter de petits groupes. Des temps de discussion, des sorties pique-niques, des jeux sont organisés pour créer une sorte de culture commune, un socle sur lequel chacun peut s'appuyer. Et les résultats sont là. Le taux d'absentéisme est très bas, voire inexistant. Et les licenciements, pour raisons diverses, se comptent sur les doigts d'une main. Ils sont généralement liés à des faits de violence, mais restent rarissimes. Lorsque les 400 premiers embauchés sont intégrés à l'expérience, une première étude des profils montre qu'en moyenne, ces personnes ont été privées d'emploi 54 mois. C'est long. Pour beaucoup d'entre elles, le retour à la vie active est un retour à la vie tout court. Elles touchent à nouveau un salaire décent au lieu des minima sociaux, retournent au café, au resto, vont faire des courses. La cohésion sociale se reforme avec les habitants du quartier ou du village. Sylvie, qui a rejoint les IAM à Moléon, en témoigne. C'est sûr qu'on vit mieux. Et c'est vrai que là, même fin du mois, il m'en reste encore un peu. Alors qu'avant, le 12 du mois, il n'y avait plus rien. Je tiens un cahier, je vais vous le montrer. Et moi, je note tout. Là, octobre 2016, non. Je savais que le 12, il n'y avait plus rien. On a un grand congélateur, alors bon, on fait des réserves et on vit avec ce qu'on a. Oui. Ah oui. Non, on ne s'attarde pas dans les magasins. Alors que maintenant j'ai le salaire, je m'attarde un petit peu plus. Eh oui, si j'ai repris à sourire et tout, c'est grâce à l'ESIAM. C'est vrai. Ma première paye, j'étais chez le coiffeur. Non, je me fais les petits plaisirs, oui. Ce que je ne faisais pas avant. Les années passent, les recrutements se poursuivent. Les activités s'étoffent et s'installent dans le paysage économique local. Patrick Valentin, avec ATD Quart-Monde, suit de près, bien sûr, l'évolution de chaque territoire. Il espère bien voir l'un d'entre eux parvenir à recruter tous les demandeurs d'emploi longue durée listés au départ et atteindre l'ambitieux objectif zéro chômeur fixé dans le titre de cette loi. 2019, l'heure des premiers bilans à mi-parcours arrive. Jamais expérimentation n'aura fait l'objet d'autant d'attention. Trois rapports sont publiés à l'automne, mais le coup est rude pour les équipes. Octobre 2019. Alors qu'on parle déjà d'étendre l'expérimentation à l'aide d'un second projet de loi, une tribune fait trembler les acteurs de l'initiative Zéro Chômeur Longue Durée. Elle est signée Pierre Cahuc, un économiste de Sciences Po, membre du comité scientifique d'évaluation des territoires zéro chômeur. Dans cette tribune, le chercheur se demande si la mesure profite bien à des individus réellement coupés du monde du travail et depuis longtemps. Il estime le coût d'un chômeur longue durée bien moins élevé que les estimations sur lesquelles s'est basé le projet. Et il conclut que le coût net d'un tel dispositif est en réalité faramineux pour la société. Son jugement est implacable. Il dit « l'expérimentation ne produit pas le miracle annoncé ». Chez ceux qui portent le projet à bout de bras, c'est la douche froide et la consternation. Laurent Grandguillaume, ex-député PS, devenu le président de l'association Territoires Zéro Chômeur Longue Durée, qui aide à la mise en œuvre concrète de l'expérience, fustige sur son blog ce qu'il appelle la tribune torchon de Pierre Cahuc, mais surtout il s'inquiète. Il sait très bien que l'auteur du rapport est un proche de Marc Ferracci, lui-même conseiller spécial de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Et si cette tribune était un moyen de les préparer à la fin de l'expérimentation ou au mauvais retour qui les attend dans les jours à venir? Car plusieurs documents de ce type sont sur le point d'être remis à la ministre. Trois, exactement. Lors d'un débat sur France 3 Midi Atlantique, Laurent Grandguillaume s'agace de cette surveillance rapprochée. Je crois qu'on est le projet le plus évalué en France. Nous avons une évaluation d'un conseil scientifique. Nous avons une évaluation de la DARES et nous avons maintenant une mission spéciale de l'IGAS-IGF qui nous évalue. Donc en fait, si vous voulez, les résultats... Sur quels critères vous êtes évalué? On est évalué sur à la fois le nombre d'embauches, le taux de sortie, enfin tout ce que l'on veut en fait. Hein. Ouais. Il y aura toutes les variables possibles et imaginables. Donc on ne va pas manquer d'évaluation, hein, parce qu'on en a beaucoup, d'ailleurs même beaucoup trop, quelque part. La difficulté, c'est qu'on le voit bien, c'est qu'il faut démontrer en permanence alors que nous réussissons. Et il est plus facile aujourd'hui de discuter avec certains acteurs aux États-Unis et des très grands chercheurs américains, par exemple, qui nous expliquent comment on peut progresser et qui ne nous dressent pas, comme on l'entend souvent aujourd'hui en France, les conditions qui vont faire qu'on va échouer. Non, ça vous agace qu'il y ait encore ces réticences C'est agaçant. Et d'ailleurs, oui, il faut s'interroger sur la question du pouvoir réglementaire dans les territoires. Après tout, c'est plus efficace de prendre certaines décisions dans le territoire même où se déroule l'action que de l'inventer à quatre tours d'une table à Paris. Lorsque les rapports tombent, les conclusions sont plus ou moins nuancées. Celui qui inquiète le plus les équipes du projet Territoire Zéro Chômeur est écrit par l'IGAS-IGF, l'Inspection Générale des Affaires Financières. D'un côté, il pointe certains axes d'amélioration qui semblent justifiés, comme les frais de locaux et d'installation et autres frais d'acquisition du matériel qui ont été sous-estimés, mais par ailleurs, les gains pour les finances publiques ne seraient pas à la hauteur des promesses. Alors que l'État s'attendait à économiser en moyenne 10 à 12 000 euros par chômeur longue durée, en réalité, l'économie serait plutôt de l'ordre de 5 000 euros. Mais là où les organisateurs de l'expérience s'étranglent, c'est lorsqu'ils découvrent les calculs d'apothicaire réalisés par l'IGAS. Les analystes estiment que 46% des 900 personnes embauchées n'étaient pas des chômeurs de longue durée. Et c'est cela qui aurait provoqué cette baisse d'économie pour l'État dans ses calculs. Et pourquoi estime-t-il qu'ils n'entraient pas vraiment dans les critères, ces candidats? Parce qu'ils ne réclamaient pas leurs allocations. Et donc, s'ils se débrouillaient avec le salaire du conjoint, l'aide de la famille, ils ne coûtaient pas un sou à l'État, alors que maintenant, oui. Laurent Grandguillaume, mais aussi Louis Gallois, qui est à la tête du fonds d'expérimentation, sont scandalisés par cette méthode de calcul. Pour eux, il est impensable d'estimer qu'une personne qui ne recourt pas au RSA représente une économie pour les comptes publics. C'est au contraire le signe d'une personne en décrochage complet, à la marge, qu'il faut aider à remonter la pente. Claire Hédon, alors à la tête d'ATD Quart-Monde, dénonce de la part de l'IGAS une vision strictement comptable qui va jusqu'au cynisme. Et elle regrette, comme ses collègues, que le rapport ne se soit pas penché sur l'impact d'une telle initiative sur l'économie locale, mais aussi sur la vie des personnes et de leurs familles. Pour pallier ce manque, l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée s'est depuis équipée d'un pôle de recherche et développement chargé de mesurer les prolongements positifs de l'expérience et les coûts évités par la reprise d'un emploi stable. Face à ces remous, très vite, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, rassure les acteurs du projet. Il va bien se poursuivre. La ministre du Travail a reçu les rapports hier et promet des ajustements sans remettre en cause l'utilité du dispositif. On découvre aussi en faisant, ce qui est normal pour une expérimentation, ça montre que c'est une vraie expérimentation. Et donc il y a des choses à améliorer, ça n'a pas rien de dramatique. Non, rien de dramatique, quelques ajustements seulement, pour rééquilibrer les comptes et certainement aussi faciliter la mise en route des futures entreprises à but d'emploi, après que les 10 premières ont essuyé les plâtres. D'ailleurs, le comité scientifique, qui a aussi rédigé un rapport, se montre favorable à la poursuite de l'expérimentation. À la condition toutefois de mieux doter financièrement chaque emploi, et côté RH, offrir un encadrement plus sécurisant pour ces personnes malmenées par la vie. Le comité scientifique a noté dans certaines structures, en effet, une dégradation du climat social au fil de l'expérience. Des conflits ont éclaté parfois, mal contenus par une hiérarchie réduite au minimum dans les structures. La part de la formation aussi devrait être mieux exploitée pour permettre aux salariés de partir en quête d'un poste sur le marché du travail. Dans les faits, qui eux sont par définition objectifs, en 4 ans, 1050 salariés ont été recrutés. 25% d'entre eux se trouvaient en situation de handicap et ils étaient au chômage en moyenne depuis 4 ans. De surcroît, 700 autres ont trouvé un CDI sans avoir à passer par les EBE grâce à la mobilisation des comités locaux constitués dans le cadre de l'expérience, justement. Un joli score, quand on sait que toutes ces entreprises avaient pour mission d'embaucher tous ceux qui se présentent sans critères de sélection. Finalement, le projet a convaincu. Reste à le peaufiner dans sa deuxième version. En décembre 2020, une deuxième loi, donc, est à nouveau votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette seconde mouture permet l'extension à au moins 60 territoires. Mais dans les faits, 165 se sont déjà montrés intéressés. La demande est forte. Les salariés remis en selle, eux, n'ont qu'un message à transmettre. Vous pouvez nous faire confiance ? On travaille. Comme quoi, pour trouver du travail, il ne suffit pas de traverser la rue pour en trouver un sur le trottoir d'en face. Il faut simplement, si l'on peut dire, que de bonnes volontés collectives, citoyennes et politiques se mobilisent, une façon de rendre réel et concret un concept précieux qui va au-delà des mots, remettre l'humain au centre des projets, au centre de la valeur travail. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Vous écoutez Affaires Sensibles avec en fond la voix sublime de John Lennon. Working Class Hero, nous parlons donc des territoires zéro chômeur de longue durée avec notre invité qui en est à l'origine, Patrick Valentin. Bonjour. Bonjour. Membre d'ATD Carmont, chef d'entreprise, donc vous avez eu cette idée. Vous savez ce qu'avait dit Mitterrand sur le chômage? Il avait dit on a tout essayé. Ben non, on n'a pas tout essayé, la preuve. Quand vous avez commencé à en parler à des personnes, au début, y compris chez ATD, quelles ont été les réactions? Positives et négatives, j'imagine qu'il y a eu les deux. Oui, beaucoup de réticence, beaucoup de réserve. Parce que ce sont des... Comment dirais-je les... pour bien se faire comprendre, c'est très difficile pour moi de... Parce que vous avez retracé toute une histoire. Mmh. Et pour être vraiment clair, je pense qu'il faut que je dise un mot de l'avant, avant l'histoire. Mmh. Le travail dans lequel nous nous sommes engagés... nous avons un siècle d'expérience. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont à l'esprit. C'est-à-dire ? Nous avons un siècle d'expérience. Nous avons commencé en 1922. Je n'étais pas là. J'imagine. Mais, si vous voulez, j'en ai été l'héritier. Nous avons commencé à partir des gueules cassées de la guerre 14. C'est là, quand les citoyens se sont rendus compte que c'était intolérable de laisser ces personnes qui avaient donné leur vie, leur corps à la nation, de les laisser sur le bord de la route, alors qu'elles demandaient à vivre, à travailler. Vous voyez? C'est là que ça a commencé. Mmh. Et c'est là qu'on a eu la première fois le modèle économique dont nous sommes encore aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que par exemple le Front populaire l'a repris à son compte? Mais le Front populaire à l'époque, non, n'a pas. C'est ce dont je vous parle aujourd'hui, mmh. C'est quelque chose qui n'a pas été perçu à l'époque. C'est ça. Moi, je peux vous le dire avec le recul, avec les 100 ans de recul, je peux vous dire que c'est cela qui était à notre origine. On a tort d'avoir raison trop tôt, en fait. Ah ben toujours, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça un côté 68ard, cette affaire-là aussi? Est-ce que ça peut dans l'héritage de mai 68? Alors, ce qui est 68ard, c'est certainement, en ce qui me concerne, je suis évidemment un 68ard. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire que j'ai vécu la révolte et le goût de la révolte. C'est vrai que, d'ailleurs, ma femme me le reproche souvent. Effectivement, c'est pas très facile de vivre avec quelqu'un qui est trop souvent critique. Hein, c'est pas bon. Ben, je fais des efforts pour ne pas l'être trop, mais c'est vrai que le goût de la critique, le goût de voir les choses pour ce qu'elles pourraient être plutôt que pour ce qu'elles sont, effectivement, nous l'avons eu en 68 très fortement. Et puis, il y a l'autre étape, qui est celle de 1994, avec André Lénard en Anjou à Sèche sur le Loir, comme quoi il faut... À un moment donné, faire la bonne rencontre ou les bonnes rencontres. Ah oui, absolument, c'est ça, absolument. Hein. Là, il y a eu une rencontre tout à fait étonnante où nous étions très bons amis et collègues. Et c'est vrai qu'on a été immédiatement sur la même longueur d'onde. Et là, on a découvert la méthode. Mmh. Et c'était assez étonnant parce que c'est une méthode. On l'a découverte sans avoir conscience de ce que nous faisions. C'est-à-dire, en fait, la méthode du pouvoir local. Mais on n'aurait pas dit à l'époque. Bien sûr. Mais bien sûr. C'était ça. On a tout simplement découvert que seul le pouvoir local était en mesure de faire, d'apporter toutes les garanties dont nous avions besoin pour faire ces emplois complémentaires. Est-ce que ça vous crée quand même quelques craintes? On n'est quand même pas un État naturellement penché vers la décentralisation, bien que on reste quand même assez jacobin. Est-ce que ça peut être un obstacle, voire l'obstacle, pour vous? Alors, je ne sais pas. L'avenir qui m'importe aujourd'hui, évidemment, c'est la troisième loi. Il est certain que la troisième loi doit être une loi du pouvoir local. Mais je me demande s'il n'y aura pas une autre difficulté plus importante encore et encore plus significativement. Tous les deux sont très liés. Mmh. C'est le pouvoir local et l'assurance emploi. C'est-à-dire le financement assurantiel de l'emploi supplémentaire. C'est-à-dire que tous ces emplois dont vous venez de parler, et très bien d'ailleurs, et c'est vrai que c'est ce que nous avons vécu, et pour moi c'était très émouvant, évidemment, d'entendre toute cette histoire que j'ai vécue. Mais tous ces emplois sont des emplois que nous avons nommés des emplois supplémentaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas concurrents et qu'ils sont nécessaires. Nécessaires à la fois pour les personnes qui en ont besoin. Et pour les services que ça rend. Et pour, voilà, exactement. Eh bien, à partir de là, il faut que nous ayons, dans l'esprit de notre protection sociale, notre admirable protection sociale, et qui doit continuer à l'être, il faut que nous allions jusqu'au bout, et que ce soit une assurance emploi. Mmh. Et que ce soit donc les recettes dont nous avons parlé pendant tout ce récit. Les recettes, c'est quoi? C'est que quand on se remet en emploi, on provoque des recettes, on suscite des recettes, on cotise, on dépense, on participe à la vie active et à la vie économique. Eh bien, il faut que ces recettes soient les recettes de l'assurance et que l'assurance puisse financer les emplois. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que ça fait des années et des années, depuis les effets de la crise pétrolière, qu'on essaie de combattre le chômage, ce fléau qui est à l'origine de tant de maux de la société, la fameuse question sociale. Là, on trouve une solution, peut-être pas pour tout le monde, mais pour pas mal de gens, et on en parle peu, finalement. Je veux dire, entre l'intérêt de la démarche et l'écho qu'il reçoit, il y a encore un décalage, non? Oui, alors... oui. Alors, un peu moins pour ceux qui écoutent l'émission là, en ce moment. Mais bon. D'une part, un peu moins pour ceux qui écoutent l'émission, et d'autre part, je suis quand même impressionné de voir tout ce qui a été fait et dit, et le fait que ce soit... jeudi, je serai à Laval, lundi, je fais une conférence à Angers, etc., et je ne suis qu'un tout petit membre de l'ensemble qui est devenu absolument considérable. Donc, oui et non... non, j'ai bon espoir. Je pense que, vous savez, c'est une question culturelle. Et les questions culturelles, c'est long. Mmh. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Comme dans l'éducation, une culture, ça ne s'apprend qu'à long terme. L'emploi supplémentaire, c'est une notion nouvelle. Ouais. Il faut que les gens s'intègrent cela. Ah oui, l'emploi supplémentaire, en effet. Et qu'ils aient le réflexe d'y avoir recours, oui, aussi. Oui, ah bah, bien sûr. Ah bah oui, non, mais c'est ça qui est important. Mais quand je parlais de l'écho, justement, oui, c'est qu'il y a recours. Le recours est plus facile dès lors que c'est connu, que ça a infusé dans la société française, que ça passe par les médias, notamment. Alors, oui. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire à propos de la solution, de deux façons d'ailleurs. Une phrase qui m'avait beaucoup frappé, de Jean-Baptiste de Foucault, disant « L'emploi ne règle pas tout, mais sans lui, rien ne peut se régler. » Évidemment. C'est tout à fait ça. Et ça, nous le vivons, vous avez absolument raison. Et... une autre remarque qui est extraordinaire, c'était au moment des gilets jaunes et des ronds-points. Oui. Comme par hasard, oui, les ronds-points avaient disparu dans les entreprises, dans les communes. Mais tout à fait naturellement, les gens n'avaient rien contre, mais simplement, elles existaient. Donc, vous touchez à l'essentiel. En fait, regardez les banlieues, les violences et l'obsession politique autour de ça. Ça vient d'abord du chômage, tout ce qui se passe dans les banlieues. Ça vient de la question sociale, on est bien d'accord? Alors, sur les banlieues, et c'est le plus étonnant, c'est quand on est à l'origine de quelque chose et qu'on est complètement dépassé par ce qui s'est passé, produit, c'est que j'étais, je dois confesser, que j'étais plutôt opposé à ce que l'expérimentation accueille des territoires de banlieue. Parce que je me disais, c'est trop difficile, commençons par plus facile. Bien sûr. J'ai été complètement démenti. Complètement démenti. En réalité, ça marche tout pareil. Et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, on peut rendre hommage à une députée, je pense à Paris, là, en l'occurrence, qui a été formidable. Elle m'a fait visiter le territoire. C'est dans le 19e arrondissement de Paris. Dans le 13e arrondissement, je dis des bêtises. Dans le 13e arrondissement. Et on sentait que ce territoire avait une âme. Elle connaissait tout le monde la connaissait. Elle pouvait raconter l'histoire de toutes les institutions locales, etc. Eh bien, évidemment, ça a marché. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Stromae, qui nous parle de santé, enfin qui chante santé. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater. Toi, tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi, la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frottez. Frotter, si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Patrick Valentin, ce qui montre que l'idée est forte, c'est qu'au début, c'est une proposition de loi, et on sait que les propositions de loi n'ont pas toujours un destin lumineux. Oui. Et là, ça se transforme en projet de loi, donc qui vient de l'exécutif, et on connaît le primat de l'exécutif dans la vie politique. À partir du moment où il y a un projet de loi, il est voté en Conseil des ministres, il y a une majorité, il passe comme une lettre à la poste. Oui. Donc ça, quand vous avez vu cette évolution-là, vous vous êtes dit, on a remporté une première bataille. Oui. On a été soutenu d'une façon remarquable par l'exécutif, et avec ces deux votes à l'unanimité. En plus, dans les assemblées, à l'unanimité. À l'unanimité, la première fois et la deuxième fois. Deuxième. Alors, pour la pérennité du projet, vous m'expliquez que dans certaines communes, après les municipales ou changement de majorité, changement d'équipe, les projets sont restés. Oui, c'est un projet qui rassemble très très largement, et nous avons des maires qui ont changé au moment des élections municipales, qui étaient dans l'opposition et donc et qui ont très rapidement adopté le projet Territoire Zéro Chômeur, et qui sont même devenus quelquefois des défenseurs particulièrement efficaces. Et j'aimerais que vous reveniez sur le concept d'assurance emploi. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là exactement? Ah, alors, L'assurance emploi, si vous voulez, c'est une idée forte. C'est-à-dire que ça consiste à dire, il ne faut pas que les emplois supplémentaires apparaissent comme un coût, parce que ce ne sont pas des coûts. Ils sont déjà financés par la protection sociale. Donc, il s'agit simplement de créer une caisse qui reçoive les recettes pour pouvoir faire les dépenses, que ça n'apparaisse pas comme un coût supplémentaire, car ça n'en est pas un. Et quand les choses ne sont pas bien nommées, elles souffrent. Il faut bien nommer les choses. Et nous devons rappeler constamment que ces emplois sont déjà financés par la protection sociale, grâce à la protection sociale. Simplement, nous allons le rendre actif, cet argent, au lieu de le laisser passif. Et nous aurons tous les bénéfices de l'activité, en plus du financement que nous avons déjà. Dites-moi, dans cette histoire, il y a quand même eu quelque chose qui s'est érigé au départ comme un obstacle et qui a dû quand même vous interpeller et vous causer du souci, c'est le rapport CAHUC. Alors, oui, bien sûr. Racontez-nous ce moment-là. Vous avez dit, oh, ça y est, la technostructure s'y met, on est mort. Non, moi, j'ai pas, très honnêtement, non, j'ai pas été surpris du tout, puisque je connaissais, j'avais rencontré Pierre CAHUC, qui était déjà totalement contre le projet d'expérimentation avant même. D'expérimenter. Avant même l'expérimentation. Il y a des gens comme ça. Oui, donc j'étais assez tranquille. Je savais que de toute façon, il ne prendrait pas le temps de réfléchir. Et sa réflexion était faite à l'avance. Non, en fait, c'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure des... C'est pas moi qui ai parlé, enfin c'est le... En 1993, j'ai parlé de ce subventionnement de l'emploi. Déjà à l'époque, je m'élevais contre cette notion, car c'est mal nommer les choses. Et le Pierre CAHUC fait partie de ceux qui n'ont pas compris cette chose-là. C'est-à-dire que nous produisons en quelque sorte des emplois qui sont nécessaires à la population comme un bien de première nécessité. Donc, un bien de première nécessité, ça ne coûte pas. C'est un bien de première nécessité dans une société riche. Enfin, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Il y a quelque chose d'ubuesque dans la réflexion de Pierre CAHUC. Ça n'a pas de sens. C'est une espèce de comme si sa divinité c'était l'économie abstraite, l'économie scientifique, alors que notre rôle c'est l'économie réelle, celle du petit paysan angevin que je suis. C'est celle-là qui m'importe. Et moi je regarde la pendule et je me désespère parce qu'il ne nous reste plus que 30 secondes. Alors vous allez me répondre par oui ou par non. Après 5 ans d'expérimentation, 161 territoires se sont montrés intéressés. Alors ça va grossir. Est-ce que si ça devient trop gros, ben gros, s'il y a beaucoup de personnes, est-ce que ça risque de perdre son âme? Est-ce que ça marche d'abord par des petits échantillons? Quelques secondes, vraiment, presque oui. La réponse est non, mais je suis surpris de ce que l'âme reste forte. Bien. Ben, c'est une belle conclusion. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Patrick Valentin, d'être passé nous voir et nous expliquer tout cela, cette initiative. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Territoire Zéro Chômeur, une seconde vie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.